Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Espace, il est 19h et nous sommes le mardi 31 juillet et ça commence avec les infos nationales et internationales. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Les deux détenus de la maison d'arrêt de Colmar qui s'étaient évadés dans la nuit de dimanche à lundi ont été arrêtés aujourd'hui à Roubaix dans le Nord par les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire. Le duo originaire des pays de l'Est est condamné pour des faits de vol en réunion. S'était fait la belle après avoir percé le plafond de sa cellule et s'être évadé par les toits de cette prison particulièrement vétuste. L'Assemblée rejette la motion de censure portée par les Républicains. Seuls 143 députés ont voté en faveur du texte après 10 jours de crise autour de l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, et à la veille des vacances parlementaires, Christian Jacob et André Chassaigne avaient pris la parole pour défendre leurs motions de censure respectives cet après-midi, l'une portée par les députés Les Républicains, l'autre par les élus socialistes, communistes et insoumis. Le Premier ministre Édouard Philippe avait ensuite donné la réplique aux oppositions, dénonçant une censure visant Emmanuel Macron. La SNCF a indiqué qu'elle prévoyait 3 trains sur 4 au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse demain, confirmant son retour progressif à la normale après le rétablissement de l'alimentation électrique haute tension. La compagnie doit encore adapter son plan de transport et annuler certains de ses trains pour des raisons de disponibilité de matériel, car le centre de maintenance des TGV a été également victime de la coupure d'électricité de vendredi midi à lundi soir. Météo France place désormais 19 départements du sud de la vallée du Rhône et de l'est de la France en vigilance orange à la canicule. Après un bref répit dans la moitié nord, le mercure va remonter en flèche à partir de demain pour frôler, voire dépasser les 40 degrés sous abri dans certaines régions. Un épisode caniculaire qui devrait durer plusieurs jours. Enfin, chaque année, cette date fait froid dans le dos et arrive de plus en plus tôt. Demain, l'humanité aura consommé l'ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un an et vivra à crédit pendant 5 mois. Selon l'ONG Global Footprint Network, cette date est la plus précoce jamais enregistrée depuis le lancement du jour du dépassement au début des années 1970, où la date retenue était celle du 29 décembre. Sur la plus normande des radios. Louis. Et c'est parti pour 2 heures ensemble et ça commence avec Daddy Yankee, Dura sur Espace. Espace, plus de son, plus de tubes. Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura, que está dura. Mano arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura, tú eres la máquina, la máquina de baile. No tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, All of somebody in this world. Who's there when we laugh? And who's there when we hurt? But we all lose somebody, never know when. So we tell them I love you as much as we can. I'm going through memories, all the books you like to read, small notes you left for me. Feels like you're still here. Hope you know how much I'm missing you right now. Might I be alright? So darling, if you hear me coming, might I be alright? So darling, if you hear me coming. We're inseparable. We were like magnets. Yeah, we were the greatest force on this planet. And baby, I know that if you were here, I'd sing just for you for a million years. I'm going through memories, all the books you like to read, small notes you left for me. Feels like you're still here. And I hope you know how much I'm missing you right now. Might I be alright? Yeah, I'll be alright. Yeah, might I be alright? So darling, if you hear me coming, might I be alright? Yeah, might I be alright? So darling, if you hear me coming. So darling, if you hear me coming, might I be alright? So darling, if you hear me coming, might I be alright? Yeah, might I be alright? So darling, if you hear me coming, might I be alright? 6 Fire X Satellite sur Espace, 19h10, c'est la pub et on se retrouve juste après avec un titre que vous adorez en ce moment. C'est Dennis Lloyd, Nevermind sur Espace. Et n'oubliez pas, le 0950 35 50 50 est toujours à votre disposition si vous avez des messages. A tout de suite. Du samedi 28 juillet au dimanche 5 août, rendez-vous sur les berges de Seine, au Petit Andely, pour la fête foraine la plus sympa de l'été. 9 jours d'attractions et d'animations pour délirer et s'amuser au bord de l'eau. Samedi 28 juillet, 15h, fête foraine. Marché nocturne dès 17h. Dimanche 29, 15h, Corso Fleury. Lundi 30, mardi 31, jeudi 2, podium chantant enfants, ados, adultes. Et finale, vendredi 3 août, dès 21h. Mercredi 1er août, de 14h à minuit, grande journée à 1,50€ pour tous les manèges. Samedi 4 août, balade moto nocturne. Rendez-vous dès 20h30. Dimanche 5 août, 23h, feu d'artifice. La fête foraine et les animations de la Saint-Sauveur du 28 juillet au 5 août au Petit Andely en partenariat avec Espace, la plus normande et picarde des radios. Faut pas qu'on se plante. Paysagiste qualifié, entretien espace vert, création de jardins, élagage, pose de clôture. Faut pas qu'on se plante. C'est aussi un pépiniériste producteur local et un large choix de végétaux de qualité et de nécessaires pour le jardin en boutique à Pont-Saint-Pierre. Faut pas qu'on se plante est présent sur la vallée de l'Andelle et l'agglo de Rouen. Faut pas qu'on se plante, mais à votre disposition une équipe passionnée et à votre écoute. Faut pas qu'on se plante, 48 bis rue René Rabban, Pont-Saint-Pierre. 06 64 30

caché, je vais gérer, laisse-toi aller. J'aimerais que tu te rappelles de moi, que tu te souviennes de ces moments-là. Tu verras comme les autres que tu me rappelleras. Allez, ça va aller. Hey, toi, tu me tournes le dos. Oh, mais qu'est-ce qui t'a vexé? Hey, je sais pas ce qui se passe là-haut. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi tu te vas. Dis-moi pourquoi tu te vas. Solo contigo esta noche, amor. Solo contigo, mami, yo quiero más. Solo contigo esta noche, amor. La llamo. Solo contigo esta noche, amor. Solo contigo, mami, yo quiero más. Solo contigo esta noche, amor. La llamo. Tous les hommes te regardent défiler. Même de moi, tu devrais te méfier. Et donne-moi une dernière danse. Et donne-moi une seconde chance. Hey, ça va aller. Tu dis non, non, non, non. Hey, tu ne peux plus t'en passer. Tu dis non, non, non, non. Hey, je pourrais m'enlacer. Tu dis non, non, non. Solo contigo esta noche, amor. Solo contigo, mami, yo quiero más. Solo contigo esta noche, amor. Ay, amor. No, no, no, no. Espas Radio. Hit the road, Jack. We gonna bring the beat back. You gotta hit the road, Jack. We gonna bring the beat back. You gotta hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Jack, Jack. We gonna bring the beat back. Hit the road, Jack. Hit, bring the beat back. Hit the road, Jack. Hit, bring the beat back. Hit the road, Jack. Hit, bring the beat back. Hit the road, Jack. Hit, bring the beat back. Hit the road, Jack. Jack, hit the Jack. Jack, hit the road, Jack. Jack, Jack, Jack. What you say? Hit the road, Jack. Jack, Jack. What you say? You gotta hit the road, Jack. We gonna bring the beat back. Hit the road, Jack. We gonna bring the beat back. You gotta hit the road, Jack. We gonna bring the beat back. We

Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. La direction Décity a annoncé la fermeture de son usine de Saint-Étienne-du-Rouvray, seule dans le groupe à ne pas produire ses propres papiers toilettes et essuie-tout. L'ensemble des 123 postes de l'usine sera donc supprimé d'ici la fin 2018, avec des mesures de reclassement pour une quarantaine d'entre eux. Pour les autres, sont prévues des aides au reclassement externe, de l'aide à la formation, ainsi qu'un accompagnement personnalisé des salariés dans leurs projets professionnels. Par cette décision, le groupe explique vouloir préserver sa position sur le marché et sa capacité à investir dans le futur. Le site Décity d'Hondouville, qui emploie 450 salariés, n'est lui pas menacé. À Saint-Saëns, dans le Pays de Bray, un incendie a ravagé un immeuble l'année dernière. Une boulangerie du rez-de-chaussée, une habitation au-dessus ainsi que les combles aménagés ont été touchés. Le couple vivant dans le logement à l'étage a pu échapper aux flammes sans être blessé. Il a été relogé par la mairie dans le commerce. Les dégâts matériels sont importants et 7 personnes sont au chômage technique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Et puis dans l'enquête sur l'incendie qui a détruit une quinzaine de salles de classe et des logements du groupe scolaire Jean Jaurès de Oissel dans la nuit du 13 au 14 juillet, la brigade criminelle de la Sûreté départementale de Seine-Maritime lance un appel à témoins. C'est un conteneur qui avait été incendié puis placé près du compteur de gaz du bâtiment qui est à l'origine du feu. 2 blessés avaient été hospitalisés. Toute personne susceptible d'apporter des éléments sur les circonstances et l'origine de l'incendie peut téléphoner au 02 32 81 25 00. Et puis l'on reste dans le domaine de l'environnement avec le reportage d'Alexandre Oléno. À Saint-Riquier, en rivière, près de Foucarmont, le seuil d'un ancien moulin situé sur l'Yerre vient d'être détruit. L'ouvrage freinait le débit de la rivière qui coule près de la forêt domaniale 2 et entraînait une chute d'eau de près d'un mètre. Des travaux de mise en conformité avec la législation européenne sur la restauration de la continuité écologique des cours d'eau. Précision de Cyril Alix, technicien à l'association syndicale des propriétaires riverains de l'Yerre, maître d'œuvre du chantier. Dès lors qu'il y a un obstacle à l'écoulement du type moulin ou vanage, ça provoque un désordre sur l'écoulement du cours d'eau et son bon fonctionnement pour la circulation des poissons migrateurs, mais également pour la circulation des sédiments, c'est-à-dire tout ce qui provient de l'érosion du sol ou de l'érosion des berges. Ce qui peut provoquer un colmatage des frayères quand il n'y a pas un transit suffisant. Et ça finit par colmater le fond de la rivière. Dès lors où il y a plus de 30 cm de chute, un ouvrage est considéré comme difficilement franchissable. Il devrait être équipé d'un dispositif de franchissement ou d'un bras de contournement sur le cours de l'Yerre. Ceux qui sont visés, c'est plutôt les ouvrages de plus de 60 cm de dénivelé. Grâce à ces travaux, l'Yerre devrait donc retrouver son cours normal et ses poissons comme la truite fario, l'amproie ou encore l'anguille, une espèce protégée par la réglementation européenne. En tennis, en cas de non-sélection pour la demi-finale de la Coupe Davis, Gilles Simon, actuel 40e joueur mondial, disputera l'Open de Rouen BNP Paribas qui va se dérouler du 14 au 16 septembre prochain au Kind Arena de Rouen. Et puis la 37e édition du Critérium d'après Tour de France a lieu ce soir dans les rues de Lisieux. Sur la ligne de départ, Julien Alaphilippe, double vainqueur d'étape du Tour de France cette année et meilleur grimpeur du Tour, ainsi que Pierre Latour, meilleur jeune de la Grande Boucle. Le départ sera donné vers 20h30. Entre 15 000 et 20 000 spectateurs sont attendus et l'accès au circuit est gratuit. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Et puis côté météo, pour demain, ce sont encore de belles éclaircies avec un thermomètre dans l'après-midi à 24 degrés sur Pont-Audemer, 26 sur Bernay, 26 également sur Rouen, 27 sur Évreux, Gournay ou encore Beauvais, 28 sur Louviers, Les Andelys, Gisors et Vernon. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Merci beaucoup Eric pour l'actu. Prochain point avec toi à 20h30. Il est 19h35. On démarre cette nouvelle demi-heure ensemble avec David Guetta et Sia Flames sur Espace. Go, go, go. Figure it out. Atmosphère. C'était Thérapie Taxi, Coma Idyllique sur Espace. D'ailleurs, un très grand bravo à eux et à Romeo Elvis qui viennent de dépasser les 30 millions de streams sur leur single Itzal et qui viennent donc de le voir passer disque de platine. Vraiment, félicitations. Nous, on va faire une petite pause avec la pub et on revient comme d'hab juste après avec Ariana Grande, No Tears Left to Cry sur Espace. A tout de suite. Besoin d'un nouveau canapé, d'un nouveau séjour, d'un nouveau matelas? Avec des soldes jusqu'à moins 50%, les bonnes affaires sont aux meubles Gréhome et pas ailleurs. Du choix, des meubles de qualité fabriqués en Europe, des vendeurs passionnés et à votre service, que demander de plus? Des prix bas avec moins 50%, vous êtes gagnant. Les soldes, c'est aux meubles Gréhome, RN 31 à Gournay-en-Bray. Offre valable sur les produits signalés par étiquette. Le géant du meuble, jour, nuit, déco, toutes les sources d'inspiration qu'il me faut. Oxypro Informatique à Ponto de Mer, donnez du souffle à votre système d'information. Audit, conseil et solutions en sécurité des données et gestion de parc informatique, libérez du temps en confiant votre système d'information à un responsable informatique à temps partagé. Mettez-vous en conformité avec le RGPD. Contactez-nous au 02 32 20 54 99. Venez découvrir nos solutions innovantes. Oxypro, la cartonnerie, 163 rue du Canal à Ponto de Mer. www.oxypro.fr. Vous souhaitez affirmer votre style ? Alors adoptez les verts Essilor Transition. Clairs à l'intérieur, ils se foncent à l'extérieur pour plus de confort et une meilleure protection des yeux tout en restant tendance. Votre opticien vous conseillera sur la solution Essilor Transition faite pour vous. Profitez de la lumière pleinement, vivez plus intensément avec les verres Essilor Transition. Dispositifs médicaux. Consultez votre opticien ou votre ophtalmologiste pour plus d'informations. Retrouvez ces verres chez Open Optique. 11 rue Pierre Corneille aux Andelys, 02 32 51 38 69. openoptique@hotmail.fr. Les urgences, c'est mon quotidien. Et pour la plomberie et le chauffage, pour moi, c'est JV Service. L'installation et le dépannage de votre chaudière, c'est JV Service. JV Service, 02 32 59 73 20. Les meilleurs tubes reviennent sur Espace. Dans un instant. Lyons-la-Forêt, classé parmi les plus beaux villages de France, vous accueille dans un cadre de vie exceptionnel. Venez découvrir une forêt verdoyante idéale pour les randonneurs et cyclistes. Baladez-vous en centre-ville à la rencontre de commerçants locaux et de proximité. Vivez le calendrier riche en manifestations toute l'année. Lyons-la-Forêt, un lieu où il fait bon vivre. Naviguez à travers la ville sur www.lyons-la-forêt.fr. Come on, shut your mouth. and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Espace. Plus de son, plus de tubes. Tu penses tout ça sur moi, tu m'aimes ou pas? peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage mais je suis sonné. À l'instant sur la plus normande et picarde des radios à Gaillon, Que Black complètement sonné sur Espace. Et on en profite pour vous rappeler nos réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. C'est Espace Normandie. Il est 19h54 et vous souhaitez savoir ce que vous allez regarder à la télé ce soir? Eh bien, la réponse maintenant avec David Leroy. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mardi 24 juillet. Ce soir sur TF1, Laurent Ournac est en prime, mais attention les amis, vous imaginez bien que ce ne sont que des rodifs de Camping Paradis. On connaît le concept, il y a le camping bien sûr, il y a de l'embrouille bien sûr, et puis il y a le petit Laurent Ournac là, avec sa voiture de golf qui tourne autour du camping, hein, et puis forcément, les problèmes, il trouve des solutions, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? On se bisouille et on fait la danse du camping. France 2, Patoche Sébastien est dans la téloche. J'aime bien, moi, ce mec. J'adore ses émissions, c'est vraiment populaire dans le bon sens du terme. Le meilleur des années bonheur, donc là, on va encore chanter et voir des artistes que l'on pensait morts. Eh bien, non, et ils ne passent pas à la télé, c'est tout. À 23h20, des rodifs des enfants de la télé. France 3, une série policière comme chaque semaine, innocente, avec des accusés. Sont-ils innocents ou coupables ? That is the question, et pour le savoir, faut suivre la série. Canal, Gauguin, un film qui retrace l'histoire de Gauguin, et en seconde partie de soirée, Rodin, à ne pas confondre avec Gauguin, hein, parce que lui aussi peignait, enfin bon bref, c'est une soirée un peu culturelle, mais version cinéma tout de même. Arte Volkswagen, heure et malheur d'un géant de l'automobile, c'est un documentaire sur la marque susnommée. M6, audition secrète, qui va devenir une star. Pas grand monde, comme toujours, hein, parce qu'on vous fait croire plein de choses. C'est de la télé. Là, le concept des anonymes qui pensent venir à une émission et puis ils se retrouvent à chanter sur une scène devant un juré pour peut-être être signé en maison de disques. Oh, ça donne envie. Le meilleur de la TNT, W9, Astérix toute la soirée, la surprise de César et Astérix chez les Bretons. TMC, 90 minutes, l'enquête avec notre ami Le Mérou. On parle d'alcool, de chauffard, de vol, d'agression. Les gendarmes de Bretagne sont sur tous les fronts. Ken à vos camarades. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Sur Espace. Surfez sur les années 90. Espace 90s. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous dégorger d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Dana. Quelques incantations.

living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Sur Espace du côté de Val-de-Reuil qui vous propose jusqu'au 15 août le Ciné-été 2018 au programme 33 films projetés sous les étoiles dès la tombée de la nuit à l'esplanade de la piscine. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est vraiment très très sympa. En attendant, c'est la chronique de l'Europe. Très bonne soirée sur Espace. Espace. Espace. Parlons de l'Europe. Parlons de l'Europe. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de démocratie participative avec les consultations citoyennes pour l'Europe. Pour une fois, on demande vos avis et cette fois-ci au niveau européen. Cette initiative française, qui n'est pas limitée à la France, est ouverte à tous les citoyens européens jusqu'au 31 octobre prochain. Une synthèse des participations sera effectuée pour tous les pays européens et sera dévoilée le 13 décembre lors d'un sommet européen. Chaque chef d'État apportera les avis de ses concitoyens et ils devront s'accorder sur des grandes orientations pour l'avenir de l'Europe. Ainsi, la Commission européenne pourra agir et proposer des lois dans le sens des attentes des citoyens européens. Ces consultations citoyennes sont donc organisées pour débattre et réfléchir ensemble sur l'Union européenne et vous pourrez trouver l'agenda et les restitutions sur le site touteleurope.eu. Vous pouvez même vous proposer pour en organiser une grâce aux outils disponibles sur le site et la simplicité des actions proposées. Il vous suffit de vous faire labelliser sur le site en quelques minutes et de vous engager à faire une synthèse des avis. Vous pouvez toujours contacter la Maison de l'Europe de l'Eure, nous en organisons et nous pouvons être un soutien pour votre organisation.

La brigade criminelle de la Sûreté départementale de Seine-Maritime lance un appel à témoins. C'est un conteneur qui avait été incendié puis placé près du compteur de gaz du bâtiment qui est à l'origine du feu. Deux blessés avaient été hospitalisés. Toute personne susceptible d'apporter des éléments sur les circonstances et l'origine de l'incendie peut téléphoner au 02 32 81 25 00. Mis à part quelques champs dans l'ouest du département, la moisson des céréales est terminée dans l'heure. Les agriculteurs ont profité de bonnes conditions climatiques cette année. Cependant, la récolte s'annonce meilleure en qualité qu'en quantité, comme l'explique Fabrice Moulard, le président du syndicat agricole FNSEA dans l'heure. La moisson est exceptionnellement précoce. On a à peu près 15 jours d'avance par rapport aux autres années, quoi. Si au mois de mai-juin, on a eu des excès d'eau, en fait, après, on s'est retrouvé avec une période très, très longue sans pluviométrie, avec des fortes températures. Et ce qui fait que, ça a grillé un petit peu les cultures sur pied, quoi. Et ça a entraîné une maturité un petit peu plus rapide, quoi. Bon, c'est vrai que quand on arrive à récolter dans de bonnes conditions, qu'on n'est pas interrompu par la pluie, c'est aussi ça qui fait que les moissonneuses ont tourné tous les jours en permanence. On commence même le matin à partir de 10h à récolter, donc on allonge un petit peu nos journées de travail, donc ce qui fait que on gagne en rapidité, quoi. On a très très bonne qualité en céréales. Bah, disons que le fait qu'on ait une qualité, on sait déjà qu'il y a des marchés qu'on va pouvoir aller chercher, donc ça c'est plutôt positif. Après, bon voilà, en termes de volume, on est dans tout ce qui est le plus moyen, quoi. C'est pas l'année exceptionnelle du siècle, quoi. Le colza en revanche a subi les affres du manque de précipitations avec une moisson médiocre. Dans le département de l'Eure, il reste encore la récolte du lin et de la betterave en grande culture. En tennis, en cas de non-sélection pour la demi-finale de la Coupe Davis, Gilles Simon, actuel 40e joueur mondial, disputera l'Open de Rouen BNP Paribas qui va se dérouler du 14 au 16 septembre prochain au Kind Arena de Rouen. Et puis la 37e édition du Critérium d'après Tour de France a lieu ce soir dans les rues de Lisieux. Sur la ligne de départ, Julien Alaphilippe, double vainqueur d'étape du Tour de France cette année et meilleur grimpeur du Tour, ainsi que Pierre Latour, meilleur jeune de la Grande Boucle. Le départ sera donné vers 20h30. Entre 15 000 et 20 000 spectateurs sont attendus et l'accès au circuit est gratuit. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Et puis côté météo, pour demain, ce sont encore de belles éclaircies avec un thermomètre dans l'après-midi à 24 degrés sur Pont-Audemer, 26 sur Bernay, 26 également sur Rouen, 27 sur Évreux, Gournay ou encore Beauvais, 28 sur Louviers, Les Andelys, Gisors et Vernon. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Merci beaucoup Eric et à toute la rédac. Passez une bonne soirée. On vous retrouve demain à la même heure. Il est 20h36. On démarre cette dernière demi-heure ensemble avec Clean Bandit et Demi Lovato solo sur Espace. it's so long. Et Chris Shane, Rebel Yell sur Espace. Il est 20h43 et vous avez rendez-vous le samedi 11 août avec l'Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bray qui vous propose une balade gourmande à la colline Sainte-Hélène près de Saint-Pierre-des-Champs. Ce sera à 15h30 et vous avez jusqu'à ce samedi pour vous inscrire au 03 44 82 62 74. Tout de suite, c'est la pub et on se retrouve dans quelques instants avec Jonas Blue et Jack Rise sur Espace. Bonne soirée.

pas. Yeah. Laisse-moi te voir. What about us?